l'herbe murmure, le vent se lève. Près de ce qu'il veille, jamais il ne trêve. Les feuilles dansent, le ciel s'éclaire. Un nouveau jour s'écrit dans la lumière. Les ombres s'effacent, la paix s'installe. Mais la guerre, oh, jamais banale. Les bases se referment solides et fortes. La team avance, bravant les portes. Les pièges s'activent, le calme avant la tempête. Dans ce monde rude, la survie s'apprête. Chaque pas compte, chaque regard veille dans cette forêt. Les voix s'unissent, cœur en harmonie. Riders qu'ils chantent avec énergie. Le grain persiste, la foi est grande. Dans la nuit noire, la force commande. Le vent transporte nos espoirs, portant la lumière. La team résiste, fidèle et sincère. Les batailles marquent les cœurs. Chaque jour un pas vers le bonheur. Les cœurs battent, la nuit est longue. Les voix s'élèvent, leur force sonne. Chaque bataille. Le vent s'élève, les tambours résonnent, nos voix fusionnent, la foi rayonne, le combat avance, la lumière éclaire. Dans cette nuit, la légende prospère. Le grain continue, la bataille s'enflamme. Riders qu'il crie, rallume la flamme. La team avance, forte et fière. Dans cette guerre, rien ne les défaire. Les bases tiennent, solides et claires. Chaque victoire éclaire nos prières. Le calme revient, la nuit apaise, mais la vigilance jamais ne cesse. s'appelle. Le silence s'étend, la flamme brûle, jamais elle ne descend. Riders qu'il sourit, prêt à repartir. Dans ce sanctuaire, la lutte va grandir. Les sabots frappent, la forêt chante, les voix s'élèvent, défiant l'attente. Riders qu'il mène la team suit dans cette lutte, rien ne fuit. La victoire approche, la guerre persiste dans ce monde. Une nouvelle histoire inspire. Riders qu'il avance, fier et droit. Dans ce sanctuaire, la lutte continue.